Chapitre 4. J'ai pensé à une chose, dit Mathilde à Firmin. C'est que non seulement vous allez dîner chez nous, mais encore que vous allez passer la nuit à la maison, dans une chambre que j'ai pour ma famille ou pour les parents de Monsieur Gourgeot quand ils viennent quelques jours à Paris. Mais non, voyons, dit Firmin, je ne veux pas vous embarrasser. Si je vous demande cela, répondit Mathilde, ce n'est pas pour vous faire une politesse, c'est que je ne suis pas tranquille sur votre compte. Vous comprendrez bien que ce cher monsieur de Félicia sait à quoi s'en tenir sur votre véritable domicile. Or, ils sont peut-être toute une bande dans le quartier. Je vous dis que vous n'êtes pas en sûreté dans votre hôtel, et qu'il vaut mieux pour vous ne revenir par ici qu'en plein jour. Non, non, vous passerez la nuit chez nous. Mais vous allez me faire le plaisir d'aller dans votre meublé. Vous mettrez dans votre portefeuille votre chemise de nuit, votre peigne et votre brosse à dents, et des livres aussi, s'il vous en faut pour votre travail. Et vous direz tout bonnement à votre concierge que vous allez passer la nuit à la campagne, en admettant que vous teniez à le prévenir et à n'avoir pas l'air de découcher. Moi, pendant ce temps-là, j'irai faire un tour dans le passage. Je me souviens d'une chose, c'est que nous avons exploré la boutique et les deux caves, mais que nous n'avons pas jeté un coup d'œil sur le logement. Je ne sais si je dois vous laisser aller seul par là. Il n'y a aucun danger. Vous pensez bien que la bande, qui s'est aperçue ce matin de la découverte du corps, ne reviendra pas de si tôt dans la maison. Du reste, voyez, ajouta-t-elle, comme on arrivait à l'entrée du passage, le commissaire a mis là un gardien de la paix, comme on a bien soin d'en mettre dans tous les endroits où il n'y a plus aucune chance de pincer quelqu'un. En effet, un agent désœuvré se promenait dans le passage. Allez à votre meublé, et le premier de nous deux qui aura fini ira au-devant de l'autre. Firmin, en montant son escalier sombre, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension nerveuse. Il n'était pas absolument sûr de ne pas trouver dans sa chambre quelque bandit en embuscade, et malgré lui, une fois entré, il tapa sur les rideaux qui n'étaient d'ailleurs gonflés que de vide. Il prépara son petit baluchon et descendit, assez pressé de rejoindre Mathilde, qui opérait en somme sur un point plus intéressant du territoire. Il descendit la rue Pelpeau jusqu'au passage, sans voir encore personne. Il prit le passage Lunoyer, arriva au magasin de fontes et métaux. Il était fermé. Il entra alors dans l'allée pour parler à la concierge, qu'il trouva en train d'éplucher des pommes de terre, pendant que des enfants voltigeaient autour d'elle, comme des chérubins dans un tableau religieux. La concierge interrogée déclara qu'elle n'avait vu personne de tout l'après-midi. « Où est donc passée Mathilde ?» se demandait Firmin légèrement inquiet. Il revint dans le passage. Peut-être était-elle allée jusqu'à l'autre bout. Il allait partir dans cette nouvelle direction quand il entendit qu'on l'appelait. C'était Mathilde qui sortait de la petite boutique d'épicerie. « Aimez-vous le sucre candi ?» lui cria-t-elle. « Je viens de faire des achats et je rapporte pas mal de choses par-dessus le marché, » ajouta-t-elle à mi-voix. « Mais il se fait tard, nous n'avons que le temps de rentrer dîner. Heureusement que j'ai fait préparer à manger par une femme de ménage. D'ailleurs, il vaut mieux que je ne m'occupe pas de cuisine quand j'ai une affaire en train. » « Je pense à mon enquête et je laisse brûler mon fricot. » Ils descendirent jusqu'au métro, où ils furent obligés de remettre à un instant plus favorable le sujet d'entretien qui les intéressait le plus, car il y avait trop de monde à cette heure-là. Mathilde, par une de ces rages d'économie qu'il apprenait parfois, s'était opposée à ce que Firmin leur payât des premières. Elle gardait le silence. Peut-être tenait-elle à réfléchir toute seule, maintenant qu'elle avait des matériaux de réflexion. Elle pensait qu'il était parfois dangereux de communiquer ses impressions trop vite, avant qu'elles eussent bien pris corps. Une désapprobation vous décourage, qui ne se serait pas produite si l'on avait présenté à son interlocuteur une idée mieux formée et plus forte. Ou bien une approbation complaisante vous attache trop étroitement à une hypothèse qu'on n'a plus ensuite l'énergie d'abandonner. « Je suis bien contente, » dit Mathilde, en quittant le métro à la station de la Nation. « Je suis vraiment bien aise que M. Gourgeot soit chargé de cette affaire-là avec nous. Vous le verrez à l'œuvre. C'est un homme très judicieux. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de manquer d'activité. Mais encore, ce serait injuste. Tout gros qu'il est, il sera, quand ce sera nécessaire, plus diligent qu'un petit séco. Et puis, il aime son métier. Ce n'est pas comme le commissaire de tout à l'heure. Encore un qui fait les choses pour dire qu'elles sont faites. Mais nom d'un chien, quand il a vu cette histoire de ce matin, ce cadavre qu'on déménageait à notre barbe, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu, mais c'est tout comme. Il me semble qu'à sa place, j'aurais eu le feu au derrière jusqu'à ce que j'aie tiré cette affaire au clair. Malheureusement, ce sont des gens à qui le travail de l'administration a donné l'habitude de ne pas précipiter le mouvement. Alors, il a envoyé tout simplement un de ses employés à la mairie et il ne pensait même pas à lui demander s'il avait le renseignement. Et ce soir, il va passer sa soirée au théâtre. Peut-être va-t-il retrouver une poule ? Je suis sûre que toute sa préoccupation cet après-midi, c'était d'avoir sa soirée de libre. Non pas, je le dis, que l'affaire ne l'intéresse pas, mais il a le temps. Dans le cas particulier, je suis très contente d'avoir affaire à ces gens-là qui nous laisseront travailler tranquillement. Vous ne me dites pas ce que vous a raconté l'épicière. Ah, le gourmand ! Vous, au moins, vous n'êtes pas comme ces messieurs de l'administration. Vous voulez savoir, tandis que ils ne veulent rien savoir. Eh bien, cette épicière, qui était à moitié sourde et aux trois quarts aveugle, m'a donné tout de même des renseignements intéressants. Elle a avec elle dans sa maison une petite nièce qui voit et qui entend pour deux personnes. Cette petite nièce n'était pas là tout à l'heure, mais elle avait renseigné sa vieille tante. Et je connais maintenant la nature des objets, ou tout au moins d'une partie des objets, que le locataire a déménagé dans les malles le jour de son départ. Il y avait des presses à copier. Je répète ce que m'a dit l'épicière. Il paraît qu'un soir, vers minuit, en entendant du bruit dans le passage, la petite jeune fille a regardé à travers ses volets et qu'elle a vu, il faisait clair de lune, des gens qui déménageaient, ou plutôt qui emménageaient un certain nombre de presses. Je me dis que c'est peut-être aussi des presses à imprimer. Une imprimerie secrète, dit Firmin. Est-ce qu'il s'agirait d'une affaire politique, d'une conspiration? Voilà qui ne m'amuserait pas, dit Mathilde. Pourquoi cela? Parce que c'est des histoires qui bien souvent tournent en eau de boudin. On se donne du coton pour éclaircir une affaire, on est prêt de mettre la main sur les coupables, et puis, tout à coup, il vous arrive un ordre de laisser ça tranquille. Tout ce qu'on a fait ne sert à rien, c'est pour rire, ça ne compte plus. Mais je n'ai pas l'impression que nous sommes en présence d'une affaire politique. Je ne saurais pas encore dire pourquoi. C'est une idée que j'ai comme ça. Évidemment, on a tort de se faire des idées qui ne reposent sur rien. Autre chose, dit encore Mathilde, comme ils arrivaient devant sa maison. Qu'est-ce qu'est devenu notre petit projet d'aller troller autour de la maison de santé? Ça devient un peu difficile parce que nous risquons d'y rencontrer le comte et que nous sommes plutôt brûlés auprès de ce monsieur-là. Mais pour aller là-bas, j'ai un moyen en réserve. J'ai mon idée, ça viendra à son heure. Monsieur Gourgeot était déjà rentré. Il était installé auprès de sa fenêtre et en bras de chemise lisait son journal. Eh bien, s'écria-t-il, on ne songe plus à dîner ? Monsieur Remongel dîne avec nous, dit Mathilde. Je le sais, tu me l'avais dit ce matin, et son couvert est mis, mais tu le fais dîner à des heures impossibles. Tu ne sais donc pas ce que c'est qu'un appétit de franc-comtois ? On ne peut pas dire le contraire, n'est-ce pas, monsieur Remongel ? Il n'y a que de bonnes fourchettes dans la Haute-Saône et dans le Doubs. Allons, à table, et mangeons. Et quand nous aurons bien fini, quand il n'y aura plus de place pour une mie de pain, comme on dit chez nous, eh bien, vous me raconterez vos petites affaires. J'en sais déjà une partie. Le chef m'a fait venir à son bureau. On va donc travailler ensemble, Mathilde ? Oh, mais ça ne va pas se passer à la douce avec moi. Il va falloir trimer. Ce flot de paroles joviales et inutiles ne tarit pas pendant le repas. Firmin, s'il s'en était tenu à ces manifestations bruyantes pour juger la valeur de l'inspecteur, n'aurait sans doute conçu de lui qu'une idée assez médiocre. Mais il se rappela fort à propos qu'il avait dû attendre de voir Mathilde à l'œuvre pour la juger selon ses mérites. Il devait s'apercevoir par la suite que Gourgeot, une fois sur une piste, devenait un tout autre compagnon. À certains moments, il semblait un homme taciturne. « Il a l'air de méchante humeur, » disait alors Mathilde, « mais c'est dans ces instants-là qu'il s'amuse le plus. » Elle disait aussi, « quand il parle à tort et à travers, c'est qu'il a comme un besoin d'activité. » Et ça le soulage de raconter tout ce qui lui passe par la tête. Après le dîner, on écarta les assiettes. Monsieur Gourgeot alluma une pipe, avec la permission de Firmin, à qui il voulut à toute force en prêter une, en affirmant que les comtois aimaient fumer. Firmin, qui faisait tout son possible pour faire honneur à sa bonne réputation de comtois, dut pourtant avouer qu'il ne fumait point. Mathilde commença son récit, et Firmin fut tout de suite frappé de l'ordre parfait dans lequel les événements de cette journée bien remplie défilèrent devant Gourgeot comme un régiment d'élite devant un souverain. Les points capitaux étaient bien en évidence, de même que des chefs s'isolent et se détachent devant leurs soldats. Mathilde n'exagérait point leur mise en valeur, de même qu'elle n'omettait pas un détail, fût-il en apparence indifférent. Mais elle voulait laisser à Gourgeot la faculté de choisir. Elle rapporta dans tous leurs détails leurs deux visites à la cave, puis les révélations du cocher, puis les incidents émouvants de la visite chez le comte de Félicia, puis les renseignements recueillis chez l'épicière. Gourgeot l'écouta en silence. « Somme toute, dit-il quand elle eut terminé son rapport. « Voici la liste des personnages qui paraissent mêlés à cette affaire. La personne recueillie par M. Remongel, elle s'appelle Rose, veuve Haskien, et est la belle-sœur du comte de Félicia. Le comte de Félicia lui-même, le domestique du comte. Les noms, ou plutôt les personnalités de ces trois personnages sont connus. En dehors de ça, nous avons 5 personnages dont l'identité est moins bien définie. L'homme de peine qui a ouvert à Madame Haskien la boutique de fontes et métaux et est allé lui chercher son voile et son chapeau. La femme morte qui était enterrée dans la cave, une blonde aux cheveux teints. Enfin, les trois personnages qui faisaient le guet le soir de la rentrée de Rose, devant la maison du comte de Félicia. C'étaient deux hommes, nous dit-on, et une femme de grande taille, de taille, semble-t-il, anormale. Ces trois personnes ne doivent pas se confondre avec le comte et son domestique, que M. Remongel a rencontré un bon quart d'heure après avoir mis Rose en voiture. Toutefois, n'oublions pas que Rose était partie dans un fiacre très lent et qu'avec une bonne automobile, le comte pouvait facilement la devancer de plus d'un quart d'heure sur un aussi long trajet que celui de Belleville au parc Monceau. En résumé, dans cette affaire-là, nous connaissons 8 personnes. Nous savons que 3 de ces personnes habitent le boulevard de Courcelles, dans une maison que nous connaissons. Nous savons que la bande se réunissait dans le passage Lunoyer, mais elle devait avoir dans le quartier un autre lieu de réunion, car ils ont passé et repassé très peu de temps après devant votre hôtel, monsieur Remongel. On va tâcher de trouver quel est cet endroit que nous ne connaissons pas encore. Demain matin, monsieur Remongel, j'irai vous prendre à votre hôtel. Non, dit Mathilde, il va passer la nuit ici. Mais non, dit Firmin, je ne veux pas vous donner ce dérangement. Mais si, dit Gourgeot, ma femme a eu une excellente idée, comme ça lui arrive de temps en temps, tous les 36 du mois. Demain, donc, on va se mettre en campagne. Je suis sûre que Mathilde sait où elle doit aller. S'occuper de la maison de santé, dit Mathilde. Et savez-vous, monsieur Gourgeot, comment je m'y prendrai? Tu iras voir à la première heure madame Hautet, une infirmière de nos amis, monsieur Remongel. Ce n'est pas ça, Mathilde, ton idée? Mais si que c'est ça. Monsieur Remongel et moi, on ira travailler dans le quartier. Il y a de quoi s'occuper. Moi, j'irai à cette mairie où j'arriverai bien à leur faire desserrer les dents. Et pendant ce temps-là, monsieur Remongel fera son petit apprentissage de détective en allant causer du pays à quelques habitants de la rue du Nant qui habitent à côté du chantier. Ah ah, monsieur Remongel, on va voir si vous êtes à la hauteur. Il va falloir un peu se montrer. Je ne suis pas rassuré du tout, dit Firmin. Allons donc, vous allez vous en tirer, je vous dis, comme si vous n'aviez jamais fait que ça de votre vie. Mais on ne va pas se coucher tout de suite sur son dîner. Pendant que Mathilde s'occupe de préparer votre chambre, si on faisait une partie d'écarté ou de piquet, vous connaissez ces jeux-là comme votre poche. Un franc-comtois connaît tous les jeux de cartes. Et il y a longtemps que je n'ai joué au piquet, dit Firmin, qui n'y avait jamais joué de sa vie. Mais si vous voulez, une partie d'écarté. Cette partie d'écarté, jouée à un taux très minime, fut disputée de part et d'autre avec la plus grande distraction. Gourgeot s'y fut donné complètement, mais Firmin, préoccupé de l'affaire en train, posait continuellement des questions qui n'avaient aucun rapport avec les demandes de cartes. Madame Gourgeot me disait qu'à son avis, en dépit de ce détail des presses à imprimer, il ne s'agissait pas d'une conspiration politique. « Je ne le crois pas non plus, » dit Gourgeot. « Quelle raison vous a donné ma femme pour justifier son opinion ?»« Aucune, c'est simplement une idée qu'elle a. » »« Eh bien, oui, moi je crois que je vous ferai la même réponse. La suite peut nous donner tort, mais ça m'étonnerait que ce soit une affaire politique. » Je m'étais dit qu'il pourrait y avoir là-dessous une histoire de messe noire, de satanisme, de mystérieuse débauche. Oui, dit Gourgeot, oui, ces réunions d'hommes et de femmes qui appartiennent à des classes sociales différentes, ces blessures en croix sur l'épaule de ces femmes. Oui, oui, je ne sais pas encore pourquoi. « Mais ça ne me fait pas l'effet d'être quelque chose dans ce goût-là. »« Maintenant, il est possible que je ne croie pas cela parce que je ne le désire pas. »« Je n'aime avoir affaire ni à des conspirateurs, ni à des individus anormaux. »« Ce n'est pas du vrai criminel, du criminel franc. »« Je compte bien que, dans l'histoire qui nous occupe, » nous allons nous trouver en présence de vrais voleurs et de vrais assassins qui volent et qui tuent pour de l'argent. Ils jouent le jeu, ceux-là, tandis que moi, en ce moment, vous voyez ce que c'est de jouer l'écarté à un sou. J'ai oublié de marquer le roi. « Je vais me coucher, monsieur Gourgeot, » dit Mathilde, qui venait de préparer la chambre de Firmin. « Je vous demanderai la permission d'en faire autant, » dit le jeune homme. Oh là là, qui m'a fichu des couche-tôt pareils ? Dites donc, monsieur Gourgeot, fit remarquer Mathilde, on s'est plutôt occupé aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vais en faire autant, puisque tout le monde m'abandonne. Que prenez-vous demain matin, monsieur Remongel ? Oh, rien, madame, rien. Bon, bon, il y aura une tasse de chocolat sur le fourneau de la cuisine. Monsieur Gourgeot vous fera chauffer ça sur le gaz, parce que moi, je serai déjà partie quand vous vous lèverez. Je ne veux pas rater mon infirmière. Le lendemain matin, dans une sorte de demi-sommeil, Firmin entendit quelqu'un dans la pièce à côté, Mathilde sans doute. Il regarda sa montre. Il n'était que 5h30. Il ferma les yeux et se réveilla à 8h15. Honteux comme un enfant qui s'est mis en faute, il sauta à bas du lit, se débarbouilla et s'habilla à la hâte. Il n'y avait personne dans la salle à manger. Il frappa à la porte de M. Gourgeot. On ne lui répondit pas. Il pensa que M. Gourgeot était sorti et l'avait laissé dormir. Il entr'ouvrit la porte de la chambre qui était très obscure. Une forte masse blanche remua dans le lit. Un bon grognement se fit entendre. « On se lève !» dit triomphalement M. Gourgeot. Il fut d'ailleurs assez vite prêt, mais il prit bien tranquillement son café au lait. « Soyez tranquille, » dit-il, « les employés de la mairie dorment encore. » Il portait un col rabattu fort propre et un complet jaquette beige très déformé, surtout au pantalon à l'endroit des genoux. Une certaine coquetterie, plutôt imputable à Mathilde, qui avait fait ses emplettes, se décelait dans la petite cravate verte et dans le ruban multicolore du chapeau canotier. M. Gourgeot alla se présenter au commissaire qu'il avait déjà eu l'occasion de rencontrer. Le pâtre arcadien était absorbé dans des écritures et M. le secrétaire était en mission. Quant au commissaire, il était depuis longtemps, selon une habitude rigoureuse, assis à son bureau, prêt à consacrer à l'administration jusqu'à l'heure du déjeuner plusieurs heures de somnolence. M. Gourgeot lui parla avec une sorte d'autorité déférente et le mit très sommairement au courant de ce qu'il allait faire, ce à quoi le commissaire répondit par force approbation de tête et bâillement heureusement combiné. Puis M. Gourgeot et Firmin se rendirent dans la rue du Nant. « Je vous retrouverai, » dit M. Gourgeot, « auprès de la barrière. Promenez-vous chez ces petits boutiquiers. » « Moi, je vais de ce pas à la mairie. »« Avez-vous un peu réfléchi depuis hier ?» ne put se retenir de demander Firmin, qui n'avait pas osé parler de l'affaire pendant le trajet en métro. « Oh, je n'y ai pas pensé tout le temps !» dit Gourgeot. « Je crois toujours que nous sommes en présence d'une bande de vrais malfaiteurs. Je pense que ce sont des gens du monde, accompagnés peut-être d'un ou de deux serviteurs, comme le domestique du comte et comme l'homme de peine de la petite boutique. Il n'y a pas d'apache là-dedans. Ces blessures en croix, c'est des histoires pour frapper l'imagination des femmes. Je veux dire des femmes qui font partie de la bande. Qu'est-ce que faisaient donc ces femmes parmi eux ? Il n'est pas absolument sûr qu'elles soient des complices. « Je ne le crois pas, » dit vivement Firmin. « Je ne le crois pas non plus, » dit M. Gourgeot en souriant, « mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, vous allez commencer votre enquête, M. Remongel ?»« Je ne me formaliserai pas, » dit Firmin, « si vous voulez bien me donner quelques conseils. »« Oh, vous irez bien tout seul. Toutefois, en cas que vous n'y pensiez pas, vous pourriez peut-être, à ces braves gens que vous allez interroger, leur demander un petit renseignement de ma part. Voyons, c'est aujourd'hui vendredi, c'est avant-hier soir, mercredi par conséquent, que vous êtes venu à la maison. C'était donc mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, que vous avez fait la connaissance de Madame Asquien. Et c'était dans la nuit précédente, dans la nuit du lundi au mardi, que vous avez entendu un grand cri au milieu de la nuit. Eh bien, ce que je voudrais que vous tâchiez de savoir, c'est si, dans la soirée de lundi et dans la soirée de mardi, et bien entendu, dans chacune des nuits qui ont suivi ces soirées, on n'a pas entendu des bruits dans le chantier. Le mieux, je crois, est d'aller vous installer à la terrasse de ce petit marchand de vin en face le dit chantier. Je serais bien surpris si vous ne récoltiez pas là tout ce qu'il vous faut. S'ils ne vous disent rien, c'est entendu, allez autre part. Mais s'ils sont en humeur de parler, attendez-moi là tout bonnement. Quand je reviendrai de la mairie, ce sera le moment de l'apéritif. Nous prendrons un vermouth citron comme deux bons enfants de Vesoul. Firmin ne chercha pas à comprendre pourquoi le vermouth citron était encore un des nombreux apanages des enfants de Vesoul. Ayant pris congé de M. Gourgeot, il se dirigea vers le petit café. Ce petit café marchand de vin n'était pas exactement en face du chantier abandonné. Le vis-à-vis de ce chantier était occupé non par des maisons, mais par un grand mur qui longeait des terrains dépendant d'une usine. À la nuit, l'endroit devait être bien désert. Le débitant occupait le rez-de-chaussée d'une assez vieille petite maison à 3 étages qui se louait en garni. Elle était habitée par un certain nombre d'ouvriers célibataires qui travaillaient dans les usines environnantes. Firmin prit place à la terrasse à côté d'une plante dite plante verte et qui n'emmenait pas large dans sa caisse, bien qu'elle reçût de temps en temps, en guise d'arrosage, le fond généreux d'un verre d'absinthe ou d'un amer citron. Un petit homme aussi large que haut vint passer un torchon diligent sur la table de tôle en attendant que les désirs de Firmin voulussent bien se manifester. Il rentra dans son établissement, porteur d'un ordre de grenadine à l'eau de Seltz, pendant que Firmin se demandait comment il allait entamer la conversation. En fin de compte, la formule « ça va, les affaires » lui parut une des moins compromettantes. Elle obtint d'ailleurs un succès presque inespéré. « Si on ne tient pas à faire fortune, » répondit le petit homme carré. « Comment voulez-vous que ça aille ? » ajouta-t-il. « Quand je m'ai installé là, voilà bientôt 2 ans, on ouvrait ce chantier en face. Les travaux ont commencé tout doucement. Oh, pas fort, pas fort. On prenait patience. On se disait, ils ont une usine à construire. Il faudra bien qu'ils en viennent à bout. Il paraît que c'était une grosse, grosse affaire. Des messieurs, tout ce qu'il y a de calé, qui s'étaient mis ensemble pour l'exploitation d'un nouveau produit. On les voyait de temps en temps sur les lieux, avec un petit vieux qu'était, à ce qu'on disait, l'inventeur. Moi, c'était la seule chose qui me chiffonnait, un nouveau produit. Avec ce qu'on appelle le produit courant, vous avez moins de surprises d'un sens, mais vous avez aussi moins de déboires. Celui qui fabrique comme les autres, il risque moins de devenir millionnaire, mais aussi il risque moins la faillite. Et c'est arrivé comme je craignais, du jour au lendemain, plus personne au chantier. Et comme de juste, la limonade s'en est ressentie. Si je n'avais pas eu quelques sous de côté, j'y allais aussi de ma petite banqueroute. Oh, mais il n'y a rien à craindre de ça avec moi. Je ne bâtis pas dans la lune, et toutefois que je signe un billet, vous pouvez jurer qu'il sera payé à l'échéance. L'argent est dans mon armoire. Les affaires personnelles du débitant intéressaient peut-être moins spécialement le jeune enquêteur. « Depuis combien de temps les travaux ont-ils été interrompus ?»« Eh bien, voyons, c'était un petit bout de temps après la fête nationale. Ça fera bientôt près de 11 mois. Moi, je patiente encore jusqu'au terme d'octobre, et s'il n'y a rien de nouveau qui reprend, je retourne à Saint-Mandé. J'ai une petite affaire en vue par là. Ici, monsieur, c'est pas ce que vous pouvez appeler un quartier habitable. On ne voit personne pendant le jour. » Et pour les clients qu'on peut ramasser le soir, je vous assure que vous faites mieux de fermer à 10 heures. Après le dîner, il y a quelques locataires de la maison qui viennent prendre une fine ou un café. mais à 10 heures, je boucle. J'aime autant ne pas travailler que de servir ceux qui peuvent se présenter à cette heure-là. Pourquoi ça ? Dit Firmin, qui sentait venir des révélations intéressantes. Parce que, monsieur, c'est pas du monde tranquille. C'est des gens qu'il vaut mieux voir dehors que dedans, si vous voulez ma façon de penser. C'est assez de les entendre de notre lit, ma femme et moi, quand on est couché. Heureusement que la boutique a de bons volets. Ils peuvent taper dessus pour se faire ouvrir. Ils ne les démoliront pas. Il sembla à Firmin que le moment était venu de provoquer des confidences plus précises. Il vient des gens le soir dans la rue ? Quelle sorte de gens ? Des apaches ? Tout ce qu'il y a de plus apache. Je vous réponds qu'il n'y a qu'à se barricader. Ils profitent de ce qu'il n'y a même plus de gardiens dans le chantier. Alors ils s'en viennent avec leurs petites pioles et je ne sais pas quelles orgies ils se passent là-dedans. Tiens, tiens, pensa Firmin, et M. Gourgeot qui ne croyait pas que c'était des apaches. Il me semble bien que, pour cette fois, il est en défaut. Et il éprouva un certain plaisir à l'idée qu'il allait en boucher un coin à ce détective si expérimenté. Je suis sûr qu'il en est venu au commencement de la semaine, dit-il au débitant. Ainsi, mardi soir, je passais là-bas au coin de la rue, et il m'a semblé entendre du potin. Mardi soir, que vous dites ? Oui, c'est bien mardi soir qu'ils sont venus dans le chantier. Et ils étaient venus aussi la veille, je m'en rappelle, parce que les deux fois de suite, ma femme a eu peur. On a beau être enfermé chez nous au premier, avec de vilains gars comme ça, on n'est jamais très tranquille. Quel mauvais coup peuvent-ils faire ? Mettre le feu aux maisons ? Et Firmin laissa le débitant s'engager tout seul dans un grand développement sur l'insuffisance de la police, sur le développement de la criminalité, et ne distingua pas exactement par quelle transition l'orateur en vint à parler des taxes d'octroi. Sachant à peu près tout ce qu'il désirait savoir, il fit son possible pour laisser tomber la conversation. Mais avec ce marchand de vin si souvent privé d'interlocuteurs, le freinage était beaucoup plus dur que la mise en marche. Toute sa vie de débitant de boissons y passa. Firmin fut sauvé par l'arrivée de M. Gourgeot, dont il aperçut la haute silhouette au tournant de la rue. L'inspecteur tenait son chapeau à la main et paraissait avoir chaud. « Je n'ai pas perdu mon temps, » dit-il en arrivant auprès de Firmin. Il commanda hâtivement un vermouth citron, ce qui les priva de la société du prolixe bistrot. « Monsieur de Félicia, » dit M. Gourgeot en scandant bien nettement ses paroles, « était un des administrateurs de la Société des produits chimiques actuellement en liquidation, dont l'usine devait s'élever là, en face. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer l'importance de ce renseignement. A-t-il découvert un passage secret entre la cave du passage Lunoyer et le chantier de la rue du Nant ? A-t-il fait établir lui-même ce passage ? C'est ce que l'enquête éclaircira. D'après ce que m'a dit Mathilde, le commissaire semblait croire que ce passage avait été établi depuis peu. Mathilde, je l'ai remarqué, a bien pris soin de me donner cette opinion comme celle du commissaire et n'a pas dit ce qu'elle en pensait. Nous allons voir ça tout à l'heure. Moi, j'ai idée que le passage existait. Et que c'est précisément la découverte de ce petit chemin souterrain qui a donné au comte l'idée de louer la petite boutique de fonte et métaux. Ma visite à la mairie m'a encore appris ce détail intéressant, c'est que le comte, qui habite un appartement somptueux, n'est pas si bien dans ses affaires que les apparences pourraient le faire croire. Il ne serait pas impossible qu'il ait été touché fortement par la déconfiture de cette société où il avait mis probablement de gros capitaux. Enfin, nous allons descendre au chantier. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous avez recueilli quelque chose d'intéressant ? Entre-temps, le marchand de vin était venu apporter le vermouth citron, mais s'était promptement retiré, soit par discrétion, soit parce que le fil de son discours avait été irrémédiablement coupé par l'arrivée de Gourgeot. Ce petit débitant m'a fourni des renseignements importants, dit Firmin lentement pour produire à son tour son effet. « Vous êtes toujours d'avis que la bande ne comptait pas d'apaches parmi elles ?»« De plus en plus, » dit Gourgeot. « C'est un coup de gens du monde, et ils n'ont pas mis dans la confidence des rôdeurs de barrières. » « Eh bien, le débitant m'a dit tout à l'heure que, dans la soirée de lundi et dans celle de mardi, une bande d'apaches a envahi le chantier. Ils ont poussé des cris et se sont livrés, dit le marchand de vin, à toutes sortes d'orgies. « Dans la nuit de lundi à mardi et la nuit suivante ?» demanda Gourgeot. « Parfaitement, » répondit Firmin avec l'autorité d'un vieux détective. « C'est magnifique !» s'écria Gourgeot. « La seule chose qui me chicanait, c'était ce point. Pourquoi la bande du comte, ayant à sa disposition un passage souterrain, s'exposait-elle à sortir par la rue Pelpeau, où la présence de 12 à 15 personnes pouvait être remarquée ? Elle a été, en fait, remarquée par vous. Pourquoi ont-ils commis cette inqualifiable imprudence ? Mais tout simplement parce que la route leur était barrée, parce que le passage souterrain leur était interdit par la présence d'une bande de rôdeurs dans le chantier. « Allons, allons, tout s'arrange !» s'écria Gourgeot en tapant ses grosses mains l'une contre l'autre. « Nous allons rentrer chez nous déjeuner et nous verrons les surprises que nous aura rapportées Mathilde. » Firmin paya les consommations et profita de ce que Gourgeot ne pensait plus au vermouth citron pour s'abstenir de cet apéritif soi-disant franc-comtois. « Un de ces jours, » dit-il au patron, « c'était une connaissance à cultiver et dont on pouvait tirer un bon rendement de renseignements utiles, à condition d'en régler un peu le débit. » Ils avaient pénétré dans le chantier par une brèche de la barrière. « Le tunnel est par là, n'est-ce pas ?»« Par ici, » dit Firmin, « en descendant cette pente. »« Oui, » dit Gourgeot. C'est la pente que descendaient les tombereaux au moment où l'on faisait les sous-sols. Tenez, regardez là, sur le côté, des épluchures de saucissons, des morceaux de journaux tout graisseux. C'est là que les rôdeurs sont venus faire la bombe. Voilà des petites choses que Mathilde aurait dû voir. Or, elle ne les a pas vues, autrement elle me les aurait signalées. Il y a comme ça, parfois, dit Gourgeot en hochant la tête, des petits détails qui lui échappent. C'est son seul défaut. Et cela vient sans doute de ce que c'est une suiveuse admirable. Elle va de l'avant sur sa piste, et quelquefois, elle ne regarde pas assez à côté. Descendons. Il faut dire à son excuse, poursuivit-il, que l'autre jour, dans ce chantier, il lui tombait devant le nez tellement d'éléments d'enquête à la fois, qu'elle a pu en laisser passer quelques-uns. Ah ah, voici un petit tournant, et par là, hé hé, assez caché, l'entrée du petit tunnel. Eh bien, mon cher monsieur, je ne me trompais pas, ce tunnel existe depuis longtemps, seulement il a été agrandi récemment. C'est ce qui fait que ce ballot de commissaire, en voyant des parois fraîchement travaillées, a pu croire que tout le travail remontait à ces derniers mois. Comme ce passage n'a pas été fait précisément pour moi, je ne tiens pas à aller m'y balader pour le plaisir. On y retournera une autre fois, d'autant que l'heure du déjeuner approche. » Quand ils arrivèrent à l'avenue de Vincennes, ils trouvèrent Mathilde qui sortait de chez elle. « Messieurs, » dit-elle, « je ne vous ai pas attendu pour déjeuner. Je regrette beaucoup, mais j'ai affaire à Neuilly, à la maison de santé. Si vous voulez des nouvelles, conduisez-moi jusqu'au métro. D'abord, que M. Gourgeot me mette au courant en deux mots de vos petites démarches, et je vous dirai ce que j'ai fait de mon côté. » Quand elle eut écouté avec satisfaction le récit rapide et suffisant que lui fit Gourgeot, « Voici ma récolte, » dit-elle. « J'ai trouvé Madame Hôtel, infirmière, chez elle, non seulement encore couchée, mais pas encore réveillée. » Ce qui s'excuse un peu, vu qu'il était 6 heures à peine et qu'elle est en congé pour le moment, n'ayant pas de garde à faire. Je lui parle de la maison de santé du boulevard du Château. Ça se trouve bien, elle la connaît parfaitement, elle y a déjà fait des suppléances. Et justement, elle y a une amie qui s'y trouve en ce moment. Cette amie-là y est même à poste fixe, infirmière en titre. Madame Hôtel me dit « Si vous voulez venir avec moi ce matin dans la maison, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais y aller soi-disant pour voir s'ils n'ont pas besoin de moi et vous serez une amie qui m'accompagne. Pas seulement une amie que je dis, une collègue. Il faut leur dire qu'à l'occasion, ils pourront m'employer. Savez-vous soigner les malades ?» que me dit Madame Hôtel. « Parfaitement, » que je réponds. Je pense à part moi que si je trouve un emploi, il sera toujours temps d'apprendre. Je m'abstiens de dire à Madame Hôtel qu'à mon avis, ce n'est pas sorcier et que quelqu'un d'un peu dégourdi peut s'en tirer en demandant habilement quelques conseils aux médecins et aux autres infirmiers. Nous arrivons donc ensemble à Neuilly. Je me disais, si je rencontre le comte ou son domestique, on est bon, mais qui ne risque rien n'a rien. La maison de santé en question, c'est une villa pas énorme, mais très chic, entourée d'un jardin assez touffu. Le bureau est au rez-de-chaussée. Je vois tout de suite que Madame Hôtel est bien connue dans la maison. Elle demande après son amie. On lui dit qu'on va aller la chercher. « Ne la dérangez pas, » dit Madame Hôtel. « Dites-moi seulement à quel étage elle se trouve. Je vais monter jusque-là avec cette dame qui est mon amie. Alors, nous dit-on, allez au premier. » J'avais vu du dehors qu'il y avait simplement un premier et un second. Le second me paraissait mansardé. Il n'y avait sans doute de malade qu'au rez-de-chaussée et au premier. Nous arrivons donc au premier et nous attendons l'ami de Madame Hôtel dans une petite salle de garde, comme il y en a une à chaque étage. Elle était auprès d'un malade. Elle ne nous a pas fait trop attendre. Madame Hôtel me présente comme une de leurs collègues apprentis. Je dis très innocemment, « Vous avez ici une malade que je connais très indirectement, une dame masquien qui est arrivée hier. »« Je vois, » dit l'infirmière, « une jeune dame brune. »« C'est bien ça, » que je réponds, « elle n'est pas dans votre service, ni dans le mien, ni dans celui de mes collègues. » Figurez-vous qu'elle a amené avec elle une garde particulière qui est arrivée ici presque tout de suite après son entrée. C'est une grande, une très grande femme. Hé hé, dit Gourgeot, interrompant malgré lui le récit de sa femme. Vous pensez alors à la déposition du cocher, dit Firmin, et aux personnes qui se trouvaient devant la maison? Naturellement, dit Mathilde, ça me frappe tout de suite. Je me fais désigner la chambre de Madame Masquin. C'était à ce même étage, tout au bout du couloir. Bon, bon, que je me dis, je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir dévisagé cette garde malade. Mais comment faire? Ce n'était pas commode de pénétrer dans une chambre de malade, surtout que, d'après ce que disait l'infirmière, cette grande diablesse de garde n'en sortait pour ainsi dire pas. Ma foi, tant pis, je dis à l'infirmière, rendez-moi donc le service d'entrer dans la chambre et de dire à cette garde que quelqu'un veut lui parler. L'infirmière n'était pas chaude-chaude, je le voyais bien, pour me rendre ce petit service, mais tout de même, de crainte de me désobliger, elle y va. Je me disais pendant ce temps-là, « Ma fille, qu'est-ce que tu vas lui raconter, en admettant qu'elle consente à te voir ?» Quelques instants après, l'infirmière revient. Je la voyais d'ailleurs revenir du bout de la galerie et je me disais, quelle réponse va-t-elle me rapporter? Elle me dit, si vous voulez voir cette dame qui est garde, il faut que vous veniez jusqu'au seuil de la chambre, car elle ne peut pas quitter sa malade pour venir jusqu'ici. Allons-y. Nous repartons donc toutes les deux dans la galerie. L'infirmière entre à nouveau dans la chambre et quelques instants après, elle en ressort et derrière elle, je vois arriver une grande femme affairée qui me dit un peu brutalement « Qu'est-ce que c'est ?» Moi, je la regarde bien, et je finis par balbutier « Je vous demande pardon, j'avais une amie qui était de garde avant-hier dans cette chambre-ci, je pensais l'y trouver encore, je vous demande pardon, je vous demande mille fois pardon de vous avoir dérangé. » « C'est bon, » qu'elle me dit, « ça ne fait rien. » Je m'attendais à être un peu attrapée. Mais je me suis dit, après, que je lui avais fichu la frousse en la demandant et qu'elle avait dû être plutôt contente de voir que c'était quelqu'un qui se trompait. Elle rentre donc dans la chambre. Moi, j'étais contente d'en être quitte à si bon compte, d'autant que je l'avais bien regardée. Il ne faisait pas très clair dans cette galerie, mais enfin on y voyait tout de même. C'est une personne qui a la figure forte et longue et qui est vraiment d'une taille extraordinaire. Seulement, si vous l'examiniez de près, monsieur Remongel, vous vous étonneriez peut-être moins de la voir si grande. « Pourquoi ça ? » dit Firmin. « Parce que vous vous diriez peut-être, comme moi, que c'est certainement un homme. »